Ça m'a toujours fait mal, ça m'a toujours fait mal, ça m'a toujours fait mal. Ça m'a toujours fait mal, ça m'a toujours fait mal, ça m'a toujours fait mal. J'écris ce qui me bouleverse, j'écris mes souvenirs. J'ai mis de côté les sentiments, et là j'ai vu les souvenirs. Ça me fait mal. La daronne a raison, la rue m'empêche d'écouter. Je suis un aveugle avec un flingue, ou bien sourd avec un sifflet. Ça me fait mal. En guerre contre l'État qui en sortira à quatre pattes. Les jaloux te souhaitent ton passé, te rattrape et te rattrape. Ça me fait mal. Comme les petits de la thèse, moi je crois que je suis un mec perdu. La basse elle percute, rien que ça, ça me perturbe, you know. F.A. baby, mets la vibe quand tu m'appelles. Raccrochonner de la prière, et mes frères muses te font le rappel, papy. Quand la chance te doit, les vierges peuvent pas dire non. On a tellement tenu les murs qu'on souhaite taffer dans le bâtiment, non. J'fais des monologues en évitant les harkis. Les médiateurs sont ragal, vu que dans les ghettos c'est l'anarchie. Même la vie est violente, vaut mieux censurer tout. Au tiers-quart, on parle avec des signes, nos puces sont sur écoute. Le thème c'est mal à vivre, du mal à le dire et ça me fait mal. Dans cicatrices du bitume, t'entends ma vie et ça me fait mal, j'ai grandi. Sans repère ou sans mon père et ça me fait mal. T'aimes trop la vie, trouve ça naze, moi j'irai mieux quand j'serai mort. Le thème c'est mal à vivre, du mal à le dire et ça me fait mal. Dans cicatrices du bitume, t'entends ma vie et ça me fait mal. J'ai grandi sans repère ou sans mon père et ça me fait mal. T'aimes trop la vie, trouve ça naze, moi j'irai mieux quand j'serai mort. 2011, lâche un SOS et personne va venir. Vas-y change de régime politique, les jaloux vont maigrir. Ça me fait mal. Si c'est pas la faucheuse, c'est le douanier qui t'arrête. La juge mettra au D1, même si tu jures sans 40 t'arrêtes. Bif, bif, biatch, j'en parlerai peut-être un petit peu. Les mères de pyromanes laissent leurs fils se tuer à petit feu. Ça me fait mal. De mort à Clichy, on a foutu le feu en décembre. Pas don du sang, n'en perd déjà beaucoup dans les descentes. Les poucaves ils se croisent pas, c'est ce que les hagraman disent. Les deux mecs que ta carotte s'achète un T-Max touche dit car la frontière est mince entre la colère et la violence. Les scènes gore et les violons, les cours de récré et les violeurs. À force de nager à contre-courant, j'ai fini par perdre le nord. J'ai que l'islam a ses raisons, bah que les mécréants ignorent petit. Avant de savoir qui t'es, faut savoir d'où tu viens. La daronne pleure des océans, et moi je me noie dans son chagrin. Le thème c'est mal à vivre, du mal à le dire et ça me fait mal. Dans cicatrices du bitume, t'entends ma vie et ça me fait mal. J'ai grandi sans repère ou sans mon père et ça me fait mal. T'aimes trop la vie, trouve ça naze, moi j'irai mieux quand j'serai mort. Le thème c'est mal à vivre, du mal à le dire et ça me fait mal. Dans cicatrices du bitume, t'entends ma vie et ça me fait mal. J'ai grandi sans repère ou sans mon père et ça me fait mal. T'aimes trop la vie, trouve ça naze, moi j'irai mieux quand j'serai mort. Le thème c'est mal à vivre, du mal à le dire et ça me fait mal. Dans cicatrices du bitume, t'entends ma vie et ça me fait mal. J'ai grandi sans repère ou sans mon père et ça me fait mal. T'aimes trop la vie, trouve ça naze, moi j'irai mieux quand j'serai mort. Le thème c'est mal à vivre, du mal à le dire et ça me fait mal. Dans cicatrices du bitume, t'entends ma vie et ça me fait mal. J'ai grandi sans repère ou sans mon père et ça me fait mal. T'aimes trop la vie, trouve ça naze, moi j'irai mieux quand j'serai mort. Ça m'a toujours fait mal, ça m'a toujours fait mal, ça m'a toujours fait mal. Ça m'a toujours fait mal, ça m'a toujours fait mal, ça m'a toujours fait mal.